kii nag benn kaw-kaw la woon, waaye daal dafa ñëw biir Dakar. Moom gars mu dégg gaa gars di wax ay waxi Chris Cross Chris Cross. Léegi moom da gaa xamul gaa ni Chris Cross demee saa waay jël gaa affaire yi dëpp laa la wax nii. Jël chemise bi dëpp, jël pantalon bi dëpp laa wax, ñëw gaa di bonn rek si biir dëkk bi. Et ça moom gaa muy voyage nag mu jël benn oto. Malheureusement pour moom ne bi mu dem ba si yoon jéggi sa rek oto bi accidenté laa gars yëpp jaxasoo, mais heureusement gaa kenn déwu si. Mais paa bi jóg mais africain waa ji jóg paa yi nekkoon si bi oto gaa ñu xool waa ji rek ne yow saxaay kii de yéen ci daam grand si moom moom gaa bopp bi moo ëlbantiku gaa yi jàpp bopp bi ne gaa commencé di ko ëlbanti gaar waa ji du yow ci chemise bi laa ci chemise bi laa gaa yi naan waa ki ma gëm yow la waaye xool nga mi ngi naan bisimilah waa ji du yow ci chemise bi laa